franceinter.fr. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, Louis de la Rosière, espion de Louis XV. C'est donc une histoire d'espionnage que je vais vous raconter ce soir. Mais une histoire sans James Bond, sans guerre froide, sans ambiance à la John le Carré. Nos héros ce soir sont des espions en dentelle, portant habits de soie, mouches et perruques poudrées. Et c'est à cheval ou en calèche qu'ils accomplissent leur mission. Mais attention, je les vois déjà dégainer fièrement leur épée, ces hommes et parfois ces femmes, et parfois un peu les deux, qui risquent leur vie dans des opérations hautement délicates, n'en sont pas moins d'authentiques agents secrets. Sillonnant les cours et les ambassades de toute l'Europe, ils appartiennent au secret du roi, le service de renseignement unique en son genre, créé par Louis XV, un véritable réseau parallèle pour sa politique étrangère. Ce qui, vous allez le découvrir, ne va pas sans provoquer parfois quiproquos et incidents diplomatiques. L'épisode que je vais raconter ce soir se déroule en 1763. Après 7 ans de guerre, la paix vient d'être signée entre la France et l'Angleterre. Mais il ne faut pas s'y fier. Sous les cendres, les braises sont toujours ardentes. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Jean-Christian Petit-Fils, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, grand spécialiste du XVIIe et du XVIIIe siècle, l'auteur entre autres d'une biographie de Louis XV qui fait référence. Alors avant d'entrer dans le récit des aventures romanesques de Louis de la Rosière, de Faustine alias Georges Nardin et du Chevalier Déon, pourriez-vous nous parler de Louis XV et de son règne? Ce roi, c'est bizarre, est assez moins connu que son prédécesseur Louis XIV et que son successeur Louis XVI. C'est étrange puisque le règne de Louis XV a été très long, presque tout le XVIIIe siècle, 1715 à 1774. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est le plus long règne après celui de Louis XIV, 59 ans, et c'est un personnage un peu occulté, alors peut-être à cause de sa personnalité, et puis évidemment écrasé par son prédécesseur Louis XIV, et puis après Louis XVI, la Révolution, donc on ne connaît pas très bien ce roi, qui est un grand roi, intelligent, mais en même temps très, très secret, complexé, extraordinairement timide, et ça va expliquer beaucoup de choses, qui a été élevé dans le culte de Louis XIV, qui a pris assez tardivement les rênes du pouvoir, puisque après une régence, il a laissé gouverner son précepteur, le cardinal de Fleury, jusqu'à sa mort en 1743. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que son règne personnel commence, avec des ministres plus ou moins influents. Un homme qui a été élevé dans un respect des traités assez pacifiques au départ, marqués par l'idée d'une monarchie chrétienne. Alors en dépit de ses aventures sensuelles, bien sûr. Oui, pas mal. Il y en a eu beaucoup, mais il n'aimait pas la guerre. Et il reste que malgré tout, il y a eu 3 grandes guerres durant ce règne. Une première guerre qui est la guerre de succession de Pologne. Il s'agit de remettre sur le trône Stanislas Leszczynski. Cette guerre sera finalement pour la France très bénéfique, parce qu'elle lui vaudra la Lorraine ultérieurement, quand Stanislas Leszczynski, ayant échoué à Varsovie à reprendre le pouvoir, eh bien deviendra duc de Lorraine, et à ce moment-là, avec un accord des puissances, le duché de Lorraine devant revenir à son décès à la France. Donc c'est une première guerre. Ensuite, il y a une guerre de succession d'Autriche qui se termine en 1748 par le traité d'Aix-la-Chapelle, et à ce moment-là, Louis XV considère qu'il n'a plus à faire de nouvelles conquêtes, et il va rendre les Pays-Bas autrichiens, alors qu'il était en état de pouvoir la Belgique actuelle, de pouvoir les annexer, l'Angleterre étant très affaiblie à ce moment-là. Donc, pour lui, il faut poursuivre une politique de mise en place sur les trônes de la famille des Bourbons. Donc, il y a des Bourbons en Espagne, il y a des Bourbons à Naples, il y a des Bourbons à Parme. Eh bien, l'idée serait peut-être un jour d'installer un Bourbon à Varsovie, puisque Stanislas Leszczynski n'a pas pu le faire. Ensuite, il y a eu cette guerre terrible de 7 ans contre la Prusse et l'Angleterre à la suite d'un renversement des alliances, puisque la France s'allie à l'Autriche. Sur le caractère pacifique ou pacifiste, selon le mot qu'on emploie, de Louis XV, j'ai vu que Louis XIV, donc, qui était son prédécesseur, son arrière-grand-père, au moment de mourir, enfin quelques jours avant de mourir, sur son lit de mort, Louis XIV avait convoqué son arrière-petit-fils, donc futur Louis XV, il n'avait que 5 ans, et il lui avait dit « Il faut que vous évitiez autant que vous le pourrez de faire la guerre, c'est voilà, la ruine des peuples. » Ne militez pas dans les guerres. Ouais, soyez un prince pacifique. Est-ce que justement il avait cette leçon? Il a été très marqué par cet hasard qu'on lui a répété, on lui a redit. Le cardinal de Fleury a beaucoup insisté et n'était pas du tout un vat en guerre. Donc il est marqué par cet idéal d'une paix qui n'est pas évidemment face à des prédateurs, à des souverains comme Frédéric II, Catherine en Russie, Marie-Thérèse même en Autriche, qui eux veulent étendre leurs États. Donc la France a déjà une conception plus moderne des relations internationales. Et les Anglais aussi à ce moment-là, ils sont assez bellicistes. Et l'Angleterre veut absolument installer ils veulent en découdre avec la France. Et veut en découdre avec la France, veut installer sa puissance sur les mers, rayonne sur les mers de façon exceptionnelle, et bien sûr en Amérique. Alors Jean-Christian Petit-Fils, nous reviendrons plus en détail sur cette histoire tout à l'heure. Tout de suite, je vous propose Louis de la Rosière, espion de Louis XV, un texte de Christine Spianti, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. L'auteur a inventé le personnage de Faustine Georges Nardin, mais le reste est vrai. La réalisation est signée Pascal Deux. Agent secret de Sa Majesté. J'arrive à peine à y croire. Paris quitté de nuit en catastrophe, ce rendez-vous secret, mon arrivée clandestine dans ce bois, je ne sais même pas quelle sera ma mission, ni même qui je dois rencontrer. Et il est fort en retard. Serais-je à la hauteur? J'ai dans ma poche la lettre d'engagement signée de la main du roi. Il faut lui faire honneur. Mais je suis un militaire, moi. Je vais de camp en caserne, entraîné à affronter l'ennemi face à face, arme à la main, à visage découvert sur le champ de bataille. Agent de renseignement, c'est autre chose. Devenir un soldat invisible dans d'obscurs combats de cabinets noirs, seul désormais à me méfier de tous et mourir anonymement si je suis pris. Car ma mission sera sans doute des plus dangereuses, sinon pourquoi tant de mystères? Ce rendez-vous à l'aube, à 1 heure de Paris, dans le parc d'un château. Je suis inquiet, oui. Mais plus encore, je brûle de connaître la mission que le roi a envisagée pour moi. Octobre 1763. Cet homme qui vient d'arriver à cheval au château de Dormans s'appelle Louis Carlet de la Rosière. Grand et vigoureux, la trentaine, il est vêtu d'un habit bleu à boutons dorés, raffinement qui contraste étonnamment avec les deux pistolets qu'il garde à la ceinture. Il ne sait pas que celui qui l'attend est le chef des services secrets de Louis XV, le comte de Breuil. Pour une mission délicate commandée par le roi, de Breuil a avancé le nom de la Rosière, un officier reconnu pour ses hauts faits et son caractère généreux. Ils se connaissent bien, ils ont combattu ensemble durant la guerre de 7 ans. Le roi a approuvé cette candidature. Le parc embrumé du château brille de rosée aux premiers rayons du soleil. Louis de la Rosière fait les 100 pas. Ah, de la Rosière. J'ai eu un mal fou à m'éclipser. Ma femme ne voulait pas me laisser sortir. Elle a peur que je prenne froid. Colonel de Breuil, je ne m'attendais pas. À vos ordres. Trompé. Nous ne sommes pas sur le champ de bataille. Je vous l'apprends. Par la grâce de Sa Majesté Louis XV, je suis le chef de ses services secrets. Et j'ai très peu de temps. Vous êtes surveillé? Oui, par ma femme. Le jour, je vis en vieux militaire, paisiblement retiré. Et la nuit, je m'ingénie à tenir les fils d'un réseau de renseignements qui s'étend de Stockholm à Constantinople et de Londres à Saint-Pétersbourg. Quel ennui, si vous saviez, de jouer les vieillards quand à l'intérieur on piaffe d'impatience de courir les routes d'Europe. J'ai hâte de savoir quelle est ma mission. Vous ne craignez pas les risques? On ne peut risquer plus que la vie. En cela, ils ne sont pas supérieurs à ceux que je prenais sur les champs de bataille. Voici une avance pour vos frais. Tenez-en un compte précis. Je connais votre délicatesse et je sais que vous n'abuserez pas des fonds de la nation. Je suis honoré. Tous les documents qui vous seront remis, apprenez-les par cœur et brûlez-les. Comptez sur moi. Vous partez pour l'Angleterre. Cette nuit même, vous rejoindrez votre base opérationnelle à Londres, où votre agent référent, le chevalier Déon... Le chevalier Déon lui-même ? Vous le trouverez à cette adresse. Il vous donnera le détail de votre mission. Il est en votre pouvoir de faire avancer les projets du roi de France en Grande-Bretagne. Les projets du roi en Grande-Bretagne ? Vous parlez trop. Un agent secret ne peut parler librement nulle part. Soyez ce soir à minuit devant le Louvre. Une voiture vous y attendra. Un agent, un dénommé Georges Nardin, une personne de confiance, vous accompagnera. Entendu. Que Dieu vous garde, La Rosière. Votre mission est d'une importance capitale. Que vive le secret du roi. Le secret du roi, c'est le nom des services secrets de Louis XV. Renseigné dans chaque capitale par ses correspondants et ses réseaux clandestins, Louis XV mène ainsi une diplomatie parallèle, parfois opposée à la politique officielle. Le chevalier Déon, évoqué par De Breuil, est en 1763 un des espions les plus réputés du secret du roi. Il avait débuté sa carrière à la cour de Russie, où, travesti en demoiselle de compagnie, il avait gagné la confiance de la tsarine. De retour à Paris, il s'illustra à la guerre comme capitaine de dragons. Tantôt soldat, tantôt soubrette, avec sa grande habileté diplomatique, le chevalier est un atout majeur pour le secret du roi. Plus récemment, en février, il a étroitement collaboré à la rédaction du traité de paix signé entre la France et l'Angleterre, qui met fin à la guerre de 7 ans. Dans la nuit, Louis de La Rosière monte dans la voiture qui l'attend comme convenu devant le Louvre. À l'intérieur, il distingue dans la pénombre celui que le comte de Breuil lui a désigné comme son collaborateur, Georges Nardin. Après quelques mots de courtoisie, chacun est retombé dans le silence. Louis de La Rosière, secoué par les chaos de la calèche, sent grandir son inquiétude. Ce Georges Nardin, il n'est pas bileux, lui. On n'a pas fait une lieue qu'il dort déjà, et depuis, il ronfle sans merci. Voilà un gentilhomme de sang-froid. Il me paraît bien gringalet. Il est vrai qu'à un espion, on ne demande pas les qualités d'un soldat. Je me sens bien seul. Ce ronfleur invétéré ne pourra être d'aucune utilité en cas de danger. Nous longeons la Seine. Allons-nous embarquer au Havre ? Ou peut-être à Calais ? Le chevalier Déon vous donnera le détail de votre mission. Mais quelle est-elle ? Et pourquoi l'Angleterre ? Qu'est-ce qu'on me veut ? L'aventure commence. La route n'est pas bonne. C'est ça la vie d'espion. Se faire cahoter sur les routes d'Europe, courir la chaise de poste et la mouche qui vous donnera le bon renseignement. Tiens, sous les chaos, Nardin est en train de perdre son chapeau. Quoi ? Des cheveux longs ? Nardin ? Oui, mais ça va. Une femme ? Vous avez l'air tout drôle, Louis de La Rosière. Georges est mon nom de code. Je m'appelle Faustine Nardin. Faustine ? Je vous vois contrarié. Vous, vous ne mentez jamais ? Jamais. Aux femmes, parfois. Enfin, une femme ? Comment est-ce possible, une mission capitale ? Le comte de Breuil s'est joué de moi. Il a voulu vous instruire, au contraire. Un agent secret ne doit jamais être dupe des apparences. Je suis au service du secret du roi depuis 4 ans à présent. Le roi lui-même a salué tous mes succès. Le roi vous connaît ? Et me reçoit à Versailles. Il est bien triste en ce moment, Madame de Pompadour est si malade. Ce que c'est que d'avoir une amie fidèle et loyale, c'est inestimable. Il faut avoir un cœur des plus nobles pour cela. Que savez-vous de notre mission ? Qu'elle est fort dangereuse. D'ailleurs, il est encore temps de la refuser et de vous faire reconduire à Paris. L'honneur est préférable à tout et je ne sépare pas le mien de celui de la nation. Soit. Eh bien, je sais que nous devons rejoindre Londres et le chevalier Déon. Oui, mais pourquoi ? De Breuil ne vous a rien dit ? Non. Je ne sais rien de plus que vous. Oh mon sac ! Oh non ! J'ai dans ce sac des instruments de précision. Oh non, si quelque chose s'est cassé. La lunette de visée n'a rien. Le compas... Quel est ce bizarre instrument ? Un octant anglais. J'ai appris à l'utiliser d'un officier cartographe de la Compagnie des Indes. La Manvillette, vous l'avez peut-être connue ? Je ne m'en souviens pas. Et qu'est-ce que cet octant anglais a de si... Grâce à lui, on sait la longitude et la latitude en calculant la distance du point à la Lune. C'est beaucoup plus précis pour effectuer les levées. C'est vrai, la boussole est très imparfaite. Le nord magnétique n'est pas le nord géographique. Et puis les aiguilles sont perturbées par la houle. L'octant a une précision de l'ordre de 2000 marins et... Donc vous êtes cartographe. N'avez-vous jamais imaginé que les femmes puissent apprendre les mathématiques, le dessin, la géométrie ? Non, ce n'est pas ce que je dis. Si vous êtes cartographe, nous pouvons en déduire que notre mission concerne la cartographie. Sur les côtes anglaises. Oui, en effet. Mais nous ne savons rien si nous ne savons dans quel but nous devons l'établir. Allons-nous cartographier les prés et les champs et compter les moutons ? Les deux espions songent chacun de leur côté aux implications de cette remarque. Au XVIIIe siècle, la cartographie a fait de considérables progrès grâce à de nombreux voyages scientifiques. Elle est devenue pour les puissances européennes une arme de guerre. Louis de la Rosière écarte le rideau de la voiture. La lune file entre les nuages. Il fait froid cette nuit d'octobre et la route brille de gel à la lumière des pâles lanternes de la voiture de louage. Il finit par s'endormir. Oh, vous entendez ce qu'ils disent ? Oh. No quarter. No quarter. De la Rosière ! Oh. De la Rosière, réveillez-vous, nous arrivons. Ah, quoi ? Nous arrivons. Vous parlez dans votre sommeil. Ouais. No quarter. No quarter. J'ai fait la guerre contre les Anglais. 7 ans. Un cauchemar. J'y retourne toutes les nuits. Regardez. Nous sommes à Calais. Le port est désert, c'est l'aube à peine. Personne ne nous verra. Nous voilà sur le quai. C'est ce Raffio, vous croyez ? Louis de la Rosière et Faustine, alias Georges Nardin, embarquent sur un bateau de pêcheurs et sur le champ, appareil pour la Grande-Bretagne. Vers midi, le temps est si clair qu'on distingue déjà les côtes anglaises. Sur le pont, Faustine, en robe en toile de lin bleu pâle ornée de dentelles, surveille la mer. Nous serions déjà à Londres si ce mareyeur ne nous baladait à la vitesse de 3 nœuds. Avec ce que nous avons mis au chapeau du capitaine, on pourrait exiger un peu plus de vivacité. J'ai hâte de savoir quelle est notre mission à la fin. Quant à ce chevalier d'Éon, je ne sais qu'en penser. On dit que c'est un extravagant qui n'hésite pas à se travestir en femme. Mais d'autres vantent ses talents politiques et affirment que c'est grâce à lui si la paix a été signée avec les Anglais. Qui croire ? Est-ce un homme de confiance ? Et elle, mademoiselle Faustine, qui se promène sur le pont sous son ombrelle, qui est-elle ? Que sait-elle du service de la nation ? Si j'allais échouer, agent secret. J'ai remis ma réputation dans les mains du chevalier d'Éon et de Faustine Nardin. Et si j'allais tout perdre ? Et la gloire militaire et l'autorité de mon nom. Le mousse là-bas, regardez ! Il est monté à la tête du mât, il fait des signes. Voyez comme il fait. Ah, c'est un farceur. Vous êtes d'humeur joyeuse. C'est si beau. Galilée dit que le livre du monde est écrit en langage mathématique. Les plages de sable qui resplendissent au soleil là-bas, les falaises, les mouettes, les creux de vagues, tout est mathématique. Et pendant ce temps-là, notre bateau est si lent que nous ne serons jamais à Londres ce soir. Cela compromet notre mission. Une goélette qui filerait à 20 nœuds à travers la Manche ressemblerait farouchement à un navire espion. Ne croyez-vous pas ? Ne prenez pas ces grands airs de femme savante. Si je suis novice en matière d'espionnage, je sais commander des hommes. Et croyez-moi, une armée ne se mène pas comme on promène un doigt sur une carte. Pourquoi riez-vous ? À tribord ! Un canot à l'approche ! Allons voir. Le rameur est un garde-côte anglais. On nous aura trahis. Préparez-vous à jouer votre rôle, Louis de la Rosière. Pardon. Monsieur de la Houssiette. Ah oui, monsieur de la Houssiette. Je crois que je ne vais pas y arriver. Je ne suis pas fait pour toutes ces subtilités. Royal Navy, it's Her Majesty le Roi d'Angleterre. Madame, monsieur ? De la Houssiette. Madame et monsieur de la Houssiette, tout à fait. Faïencier à Rouen. La Houssiette, Pichet, Jatte, Moutardier, boîte à épices, huilier, soupière et assiette. Oui, rafraîchissoir, saucière, terrine, plat à barbe. Il faut dire ce que vous faites ici. Vous parlez bien français, général. Je veux une réponse à ma question. Ce qui nous amène sur vos côtes, n'est-ce pas ? C'est ce que vous voulez savoir ? L'amour, général. L'amour pour vos rivages anglais, vos falaises anglaises, vos mouettes anglaises. Nous nous amusons à naviguer pour nous occuper et suivre nos goûts. Oui, nous rêvions de Venise et d'Athènes, mais nous ne pouvons nous permettre que le comté du Devon. Ne dites pas cela, vous allez le vexer. Fort heureusement, le beau temps est de la partie. That's it. Vous vous amusez, bah, très bien. De la Houssiette. Faïence d'assiette. Bon voyage. Soupière et rafraîchissoir, ah, vous les Français, pour vous servir. Pour vous servir. Alors qu'ils nous ont humiliés avec leur traité de paix. Ah, le cynisme anglais. Nous serons à Douvres dans moins d'une heure. Il est temps que j'aille me changer dans la cale et que je redevienne Georges Nardin. Et qu'y a-t-il? Pourquoi me fixez-vous ainsi? Il est vrai. Si nous voulons rejoindre Londres à cheval cette nuit, le costume de Georges Nardin est plus approprié. De la Rosière, je vous prouverai que je suis un bon agent. Le chevalier Déon, quand cela lui est utile, se fait bien passer pour une femme, m'a-t-on dit. Pourquoi Georges Nardin n'en serait-il pas une? Mais à Londres, la situation est compliquée. Le chevalier Déon, qui à 35 ans n'a connu que des succès, est fort affecté par la défaite que représente le traité de paix signé par Louis XV et l'Angleterre. La France perd la plupart de ses colonies en Inde et en Amérique. Les Anglais, eux, savourent leur victoire. À cet échec diplomatique s'ajoute pour le chevalier Déon une querelle plus personnelle. Le nouvel ambassadeur de France, le comte de Guerchy, qui ignore que le chevalier Déon est un espion du roi, souhaite le renvoyer. Il n'est à ses yeux qu'un simple secrétaire d'ambassade, arrogant, extravagant et dépensier. Le chevalier Déon est furieux. D'autant qu'à Londres, les calomnies vont bon train. Ce diplomate français est-il un homme ou une femme? Le chevalier Déon, qui se croit menacé de mort, conçoit de folles vengeances. Mais dans le même temps, c'est à lui que Louis XV vient de confier une nouvelle mission secrète. Fiévreusement, le chevalier Déon guette l'arrivée des agents envoyés de Paris. Louis de la Rosière et Nardin débarquent à Douvres ce 28 octobre 1763 et partent à cheval en direction de Londres. Éclairés par une blanche lune d'automne, ils traversent au galop les forêts de Canterbury. Quelques heures plus tard, surgit à l'horizon la tour de Londres. Les fers de leurs chevaux résonnent sur le pavé. Les deux espions entrent dans la ville endormie. Londres, enfin, nous allons savoir. Faustine, voilà à présent que je l'appelle Faustine. Elle est pleine de charme, un visage d'un ovale parfait et un sourire éclatant. Mais quand elle prend le costume de Georges Nardin, elle confond n'importe qui. Et elle a plus de sang-froid que bien des officiers que j'ai connus. Quel aplomb hier face aux gardes-côtes anglais, quelle bravoure. Je ne croyais pas cela possible. Venant d'une femme, je ne sais pas ce qui m'arrive. Bon, bientôt nous connaîtrons l'objet de notre mission. J'ai confiance, nous la mènerons à bien. Il fait si noir, on y voit gouttes. On jurerait être au plein milieu de la nuit alors qu'il est déjà 7 heures du matin. Approchez, il y a une plaque ici. Dover Street. C'est ici. C'est dans cette maison que le chevalier Déon se cache. Au milieu de ce brouillard à couper au couteau. Chevalier! Chevalier Déon! Par ici! Faites attention, vous marchez. J'ai miné toute la maison. Que voulez-vous dire? J'ai fait poser des mines, au cas où l'on viendrait me dérober mes papiers. Des papiers du secret du roi. Vous êtes Louis de la Rosière, oui. Et vous, Georges Nardin? Oui. De Breuil m'a annoncé votre arrivée. Nous venons apprendre de vous quelle est notre mission. Inutile, Nardin, de prendre cette grosse voix. Je sais que vous êtes une femme. Ce n'est pas moi que vous allez tromper de la sorte. Moi, nos affaires, s'il vous plaît. Le comte de Breuil vous a désigné pour être notre référent à Londres. Oui, oui, en effet. Nous sommes toujours prêts à servir les desseins du roi. Donc, voici le détail de votre mission. Vous devez établir les cartes d'état-major précises de toute la côte sud de l'Angleterre, du Kent à Beachy Head. Vous ferez aussi un état des lieux détaillé des bases navales, garnisons, forteresses, casernements, dépôts d'armes, compter les canons, les officiers, tout. Mais à quelle fin? Qu'est-ce que nous devons trouver? Le meilleur endroit du littoral anglais pour un débarquement. Louis XV veut envahir l'Angleterre. Un grand silence suit cette étonnante révélation. Un projet d'invasion avait déjà été envisagé en 1745. Le secret du roi avait à l'époque recruté un agent, mais il s'avéra qu'il travaillait pour les Anglais et leur avait livré tout ce qu'il voulait savoir. Il fut découvert, on en resta là. En 1759, le roi forma un second projet. Cette fois, les Français prendraient par l'Écosse, tandis que leurs alliés suédois attaqueraient Londres. Mais là encore, ce fut un échec. À présent, Louis XV veut prendre les Anglais par surprise. Au vu du traité de paix qui vient d'être signé, ils sont enclins à penser que la France ne reprendra pas la guerre de sitôt. Ce soir, nous irons dîner à l'ambassade de France, je vous préviens. Les couteaux sont tirés entre l'ambassadeur et moi. Figurez-vous qu'à cet instant même, je devrais être dans le bureau de l'ambassadeur. Il devait me signifier mon congé. Croyez que nous comprenons votre position, mais nous avons une mission à accomplir et non des moindres. Permettez que nous prenions congé. Pas question. Je veux que l'ambassadeur constate que le roi a encore de la considération pour moi et qu'il m'envoie des ordres de Paris par votre bouche. Venez, Faustine. Je vous en prie. Depuis l'arrivée de Guerchy, l'ambassade de France mène grand train, comme vous voyez. Ses lumières, ses vins fins. C'est tous les soirs comme ça. Ah, chevalier Léon. Pourquoi ne vous êtes-vous pas présenté à l'audience devant moi ce matin? Monsieur l'ambassadeur, j'étais occupé à recevoir des ordres de Versailles, par la bouche de ces messieurs, de La Rosière et Nardin. Je n'ai été informé de rien, moi. Monsieur le secrétaire d'ambassade. Madame de Piquigny, gardez-moi s'il vous plaît mon titre de ministre plénipotentiaire. Ce titre vous est monté à la tête et vous a fait oublier le point d'où vous êtes parti. Je suis parti fort jeune d'un point appelé la bonne ville de Tonnerre en Bourgogne. Toutefois, quel que soit le point d'où je sois parti, le roi m'a choisi pour être son ministre et cela me porte à ne voir que le point où je me trouve, chère madame de Piquigny. Déon. Ni le talent, ni le génie n'anoblit ce qui est né dans la boue. Pour vous, la naissance a donc plus de valeur que le service de la nation? Nous n'avons pas été présentés. Louis de La Rosière. La Rosière. Vous avez un titre quelconque? Il n'est pas bien séant de décliner blason et ancêtre au tout venant. Je ne suis pas le tout venant. Que croyez-vous, homme de néant, sans naissance? Madame, puisque cela a l'air de vous tenir à cœur, permettez-moi de vous dire que ceux qui portent mon nom sont officiers depuis 4 générations. Que je suis entré au service du roi à l'âge de 14 ans, que j'ai servi aux Indes et que j'ai fait la guerre contre les Anglais, ce qui m'a valu d'être décoré par le roi. Qu'enfin, madame, j'accorde plus de valeur au courage qu'au titre. Quelle opportunité. Laissez La Rosière. Merci de prendre ma défense, mais vous n'y ferez rien. Ils sont tous contre moi. Oh, j'ai le feu au ventre. On a dû m'empoisonner. Je deviens fou. Partons. Je vais chercher une chaise à porteur. Jamais. Qui croyez-vous qu'il aurait posté là au moment où j'en ai besoin? Nardin, prenez le couteau dans ma poche. Marchez devant. Quel Olibrius, ce chevalier. Mais ne peut-il se taire au lieu de ces turlupinades et sarcasmes? Tout ce bruit public, il est fou. Et sa maison, une forteresse gardée par des canailles de la City, il a nuit et jour une mèche allumée à portée de main. Déon est complètement désorbité. La Rosière, pourquoi avez-vous fait scandale devant cette madame de Piquigny en prenant la défense du chevalier? Je ne voulais pas qu'on nous soupçonne d'être des espions. Personne ne peut penser qu'un homme qui se mêle de manière si spectaculaire aux bizarreries du chevalier Déon puisse être un agent secret. C'est assez bien vu, j'en conviens. Vous commencez à apprendre le métier. Si ça continue et que le roi ne lui cloue pas le bec à cet ambassadeur, je vais rendre public les ordres de mission secrets signés de sa main et tous les papiers. Quoi? Vous voulez faire chanter le roi en menaçant de révéler les documents qui prouvent l'existence du secret du roi? Tout. Fini le secret du roi. Guerchy m'a humilié. J'étais ministre. Il m'a rétrogradé au rang de secrétaire. D'évêque, il faut redevenir meunier? Accordez-moi ce point. Un meunier qui a été évêque n'est pas un meunier ordinaire, non? Je serais impitoyable. Vous ne pouvez pas faire cela. Vous nous mettez tous en danger. Il faut retrouver votre sang-froid, chevalier. Le sens du service de la nation. Oh. Je suis fatigué, je suis vieux et oublié. Savez-vous que l'ambassadeur Guerchy fait courir le bruit de mon hermaphrodisme dans d'infâmes libelles qu'il répand partout? Et le roi le protège? Le roi a reconnu votre valeur. Il vous a nommé ministre plénipotentiaire. Il était obligé de nommer un nouvel ambassadeur pour que vous puissiez garder votre couverture en tant que secrétaire et continuer vos missions de renseignement. N'est-ce pas ce que vous êtes? Un espion avant tout, non? Ouais, vous avez raison. Je me laisse emporter. Un agent secret, oui, c'est ce que je suis. Je me suis égaré. Votre zèle me rend mon ardeur à défendre la nation. Je ne ferai rien de ce que j'ai dit, oubliez tout. Pour vous, il est temps de quitter Londres. Partez sur le champ et accomplissez votre mission. Adieu. Vive le roi. Vive le roi. Vive le roi. Mercredi 2 novembre 1763. Latitude 50 degrés 22 nord, longitude 4 degrés 8 ouest. Après avoir quitté le chevalier Déon, nous avons entamé notre mission. Il semblait qu'il eût recouvré la raison. Demain, nous serons à Plymouth pour embarquer. Jeudi 3 novembre 1763. Départ de Plymouth. Nous ne croisons que très peu de bâtiments. Le secret de notre mission est bien protégé. Commencez dans le port le décompte de l'armement, des magasins, des troupes et des vaisseaux frégates et bâtiments armés. Rendre compte de la puissance anglaise est une folle entreprise. Nardin travaille à établir les cartes, corrigeant celles qui existent. Un travail de titan. Regardez cette baie. Elle est marquée sur la carte à 45 lieues plus à l'est qu'elle n'est. Tout est faux. Tout est faux. J'ai refait toutes les mesures avec l'octan. 7 novembre. Hier, dans une citadelle, je comptais les canons, 12 pièces montées sur affût, tandis que Nardin crayonnait à une vitesse stupéfiante. Le sergent du corps de garde parut. 10 guinées ont suffi pour qu'il nous laisse libres. 15 novembre. Les nuits sont longues. Pas une baie, anse ou îlot n'échappe au relevé de Nardin. Avant-hier, temps clément et mer à peine ridée, vu les blanches falaises de l'île de Wight. Mais au changement de marée, la mer s'est déchaînée et il s'en est fallu de peu. Ce soir-là, nous eûmes une étrange conversation. Je voyais le naufrage arriver. La toile du phoque battant au vent, à moitié gelée, la mer nous jetant vers les rochers. Sur le champ de bataille, j'ai vu un jour ma dernière heure arriver. C'était avec les Anglais. Et le vent brusquement a tourné. En tant que serviteur de la nation, nous ne devrions éprouver aucune peur. Pourquoi dites-vous cela? Ce que nous sommes s'efface devant ce que nous avons à accomplir. Loyauté, fidélité, discrétion. Voilà les seules passions qu'il nous soit permis d'éprouver. Vous dites que seulement gouvernés par le sens de notre mission, nous ne pouvons nous livrer à ce que nos sentiments nous inspirent. Oui, certainement. Aucun mouvement personnel ne peut être supérieur à notre devoir, n'est-ce pas? Vous ne dites rien? Vendredi 25 novembre. Je crois que nous avons trouvé. Peu après Hastings, une baie où les flibustiers anglais viennent caréner. La baie de Rye. Tout près, Winchelsea qui n'a qu'une batterie de 8 pièces de canon et à peine 60 hommes de milice. À moins de 5 heures de Londres, Nardin sous le roulis et le tangage continuel poursuit sa tâche. Ses cartes sont d'une clarté que je n'ai jamais vue. Ah mon Dieu, ma vue se brouille. Il faut multiplier les relevés en latitude et en longitude si on veut une carte fiable. Et le temps presse désormais. Dans une semaine, nous serons à Londres. Puis de là, Douvres, Calais et Paris. De Broglie nous attend. Au château de Dormans, le comte de Broglie, le chef des services secrets, est inquiet. Il se tourmente au plus haut point sur le sort du chevalier Déon. Si l'on s'en prenait à sa vie, si l'ambassadeur venait à prendre connaissance des papiers secrets qu'il détient chez lui, tout le réseau du secret du roi serait perdu. Un système de renseignement si performant, l'œuvre de sa vie. Au matin du 9 décembre 1763, Louis et Faustine débarquent à Calais avec, outre leurs bagages, une grande quantité de longues boîtes en fer blanc ainsi qu'une malle fort lourde. Ils se séparent. Louis de la Rosière aborde une voiture de louage prend la route du château de Dormans. Ah, enfin, de la rosière. Avez-vous nettoyé Londres ? Oui. En repassant par Londres, le chevalier Léon nous a confié tous ses papiers. Il craint d'être assassiné. Vous trouverez dans cette malle lettres, dépêches, mémoires, tout est là. À l'exception, bien entendu, de l'ordre autographe du roi qui l'engage comme espion. Son atout maître. Oui, c'est vrai. Mais le chevalier garde un zèle infatigable au service du secret du roi, soyez-en sûr. Je le sais. Il a rendu plus de services à la couronne que nul autre. Tout Versailles veut l'envoyer dans un cul de basse-fosse. Je vais implorer la clémence du roi. Qu'est-ce ceci ? Ces boîtes en fer blanc contiennent une centaine de cartes de la côte sud de l'Angleterre. Et, dans ce rapport, le décompte de l'armement et des troupes anglaises. Bien. Très bien. L'Angleterre est odieuse à tous, de Stockholm à Moscou. Nous allons l'ébranler par une invasion surprise et briser sa volonté impérialiste. Excellent. Excellent, de la Rosière. Excellent. Pas un kilomètre carré n'a échappé au crayon de Nardin. Quelle précision. Nous avons déterminé 4 plages possibles pour le débarquement. Rye, Hastings, Winchelsea et Pevensey. En voici le plan. Rye, Hastings, Winchelsea et Pevensey. Ah, Seigneur. Voici ma femme qui apporte sa tisane à son cher retraité. Sortez. Pas par là, la porte dérobée. Gloire au secret du roi. Gloire au secret du roi. Fin de mission pour Louis de la Rosière et Georges Nardin. On leur verse à chacun 6000 livres pour les risques pris. De Breuil envoie au roi les cartes accompagnées d'un mémoire enthousiaste sur le projet d'invasion. Mais Louis XV n'y répondra pas. Il n'en parlera plus jamais. Le chevalier Déon doit fuir quelque part en Europe. De la Rosière est accusé de complicité avec lui. De Breuil le dissuade de quitter la France et s'empresse de faire valoir au roi le danger qu'il y aurait à laisser partir un si bon agent, porteur de si lourds secrets d'État. Louis XV a la sagesse de l'écouter. Me voilà de nouveau entraîné dans une nouvelle mission. Un rendez-vous secret au concert du Jardin des Tuileries. À attendre, je ne sais qui. Je me suis pris au jeu, il est vrai. Ces missions d'agent secret, ce subtil mélange de stratégie et d'action, je m'y reconnais. C'est devenu ma vie. Parmi la foule qui se presse aux Tuileries, une femme masquée d'un domino vient à sa rencontre. Faustine ? Oui, sa bouche paraît sous le masque. Je voudrais tellement... Si je lui parle, elle me dira « La nation, monsieur, pas de sentiment. » Elle tourne le visage vers moi, c'est elle. Mais elle pleure et fait signe en riant que c'est la musique qui l'émeut, faisant venir mes larmes. Louis de la Rosière, espion de Louis XV, de Christine Spianti, avec Louis de la Rosière, Valentin de Carbonnière, Faustine alias Georges Nardin, Marie Kaufmann, le chevalier Déon, Martial Jacques, Charles de Breuil, François Clavier, Monsieur de Guerchy, Christian Driot, Madame de Piquigny, Sophie Dole, le garde-côte anglais, David Stanley, et les voix de Kester Lovelace, Rachel Williams, Bertrand de Rofignac, Jade Fortino, Sylvain Gauthier et Julie Calia. Bruitage Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage Jean-Richard Dufour et Pierre Henry. Assistante à la réalisation Yaël Mandelbaum. Réalisation Pascal Deux. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Louis XV et le secret du roi avec mon invité Jean-Christian Petit-Fils. Oh, my hopeless wanderer, you can't come in, you don't live here. Laura Marling, Soothing, sur France Inter, dans Autant n'emporte l'histoire, la réalisation Hélène Bizio, assistée de Christiane Alain Favre, la programmation musicale est signée Djoubaka, à la technique Pauline Laverdure. Jean-Christian Petit-Fils, mis à part le personnage de Faustine Nardin, cette histoire est vraie, à peu près. C'est quand même incroyable, on a découvert un événement assez inconnu quand même aujourd'hui, c'est le fait que Louis XV ait cherché à plusieurs reprises d'envahir l'Angleterre, c'est incroyable. Pas tant que ça, parce que ça se situe dans le cadre d'une grande et vieille rivalité. L'Angleterre, c'est l'ennemi héréditaire au XVIIIe siècle. Bah, Guillaume le Conquérant avait bien envahi l'Angleterre. Oui, alors les rivalités comme s'exacerbent à partir du dernier quart du XVIIe siècle, les défaites françaises sous Louis XIV, la bataille de La Hougue, pendant la guerre de succession d'Espagne. Là aussi, il y a des guerres, une confrontation entre la France et l'Angleterre, le duc de Malbrooke s'en va en guerre. Qui combat les troupes françaises. Il y a eu à un moment donné un rapprochement franco-anglais au moment de la Régence, puisque l'abbé Dubois, précepteur et ministre du Régent, va négocier une paix. Il y aura la Triple Alliance avec les Provinces-Unies, l'Angleterre et la France. Et puis cette paix va se prolonger un petit peu du temps du cardinal Fleury. Et va à nouveau disparaître dans un nouveau conflit qui est la guerre de succession d'Autriche. L'Angleterre sera battue militairement par Louis XV. Et puis à nouveau, l'Angleterre reprendra le dessus pendant la guerre de 7 ans. D'un côté, vous avez la France, l'Espagne et puis l'Autriche, puisqu'il y a eu un renversement des alliances. Et de l'autre, vous avez l'Angleterre et la Prusse. La France est battue sur le continent par la Prusse et elle est battue sur les mers par l'Angleterre, parce que l'Angleterre a une puissance navale considérable et que la France n'est pas en état de préserver ses colonies, c'est-à-dire les Indes. Et puis, la Nouvelle-France est un immense domaine qui représente aujourd'hui le tiers des États-Unis. Oui, c'est hallucinant quand on voit la carte de l'Amérique à cette époque-là. Les possessions françaises, elles vont du Canada actuel. Ça va de Québec à la Nouvelle-Orléans. Voilà, c'est ça. Et en même temps, ça bloque le développement des 13 colonies anglaises. Là, ça occupe tout le centre de l'Amérique. Absolument. Et donc, la France n'est pas en état. Les Anglais souhaitent conquérir ce qu'on appellera le Far West, enfin toute cette partie. Le centre, disons, des États-Unis. Et donc cette guerre, évidemment, elle est perdue. Et donc chaque année passant, eh bien, on accumule les défaites. Et Louis XV donc a été obligé de signer ce traité de Paris le 10 février 1763, qui préserve quelques petites colonies. Et puis, garder les petits îlots de Saint-Pierre et Miquelon, qui n'ont l'air de rien, mais qui vont permettre à la Marine royale de reconstituer ses flottes d'entraînement, puisque sur les terres novasses, on envoyait les officiers français se former, et c'est Louis XVI qui va ultérieurement reconstituer la Marine et battre évidemment l'Angleterre au moment de la guerre d'indépendance d'Amérique. Et Terre-Neuve, c'est aussi la pêche hein, qui apporte beaucoup La pêche, bien sûr, donc pour les Terre-Neuvaises qui vont là-bas. Donc on a préservé évidemment quelque chose. On a perdu très largement le Canada, Louisiane. Alpes, mais voilà, c'est une. Parce qu'on parle toujours du désastreux traité de Paris. Alors, l'idée de Louis XV, au départ, en tout cas, c'est de prendre sa revanche. Donc, c'est dans ce contexte que se situe cette affaire de Carlet de la Rosière et cette exploration des côtes anglaises pour préparer un débarquement. Et puis là, à nouveau, on envisage un débarquement. Qu'est-ce qui arrête Louis XV? Parce qu'il va jusqu'au bout, là, on l'a vu. Louis de la Rosière établit donc des cartes du sud de l'Angleterre pour préparer un débarquement. Mais non, Louis XV ne se décidera qu'en 1767. C'est son caractère velléitaire, c'est quoi ? Il est de plus en plus pacifique et pacifiste. Et donc, il va renoncer, finalement, à cette revanche, en dépit des efforts du Premier ministre ou du ministre des Affaires étrangères et de la guerre, qui est Choiseul, qui veut reconstituer la marine. Et même, il y aura une tentative, en 1770, d'entrer en guerre contre l'Angleterre, mais manigancée par Choiseul, sans que le roi soit au courant, et ce qui va causer le renvoi de Choiseul, sa disgrâce, en 1770. Alors, le secret du roi, donc, pouvez-vous nous en parler davantage, Jean-Christian Petit-Fils? Pour quelles raisons, d'abord, Louis XV a créé ce secret du roi? C'est quelque chose de nouveau? Oui, alors, il faut distinguer, évidemment, ce secret du roi du cabinet noir, qui a toujours existé, du temps de Richelieu, du temps de Louis XIV. On fait sauter les cachets, puis on les reconstitue à l'identique après, pour connaître les lettres confidentielles. Oui, parce que des espions, il y en a toujours eu. Il faut distinguer aussi la diplomatie secrète du secret du roi, qui est, lui, un système complet de diplomatie parallèle avec des bureaux de correspondance, des réseaux, des agents qui ont double mission. D'une part, poursuivre la politique officielle de la France et en même temps, cette politique secrète. Alors, pourquoi ? Ils n'ont de compte à rendre qu'au roi. Voilà. Parce que le roi n'est pas maître de son conseil. Il ne parvient pas à imposer sa volonté et il veut garder aussi sa liberté et veut rester le maître du jeu. D'où ce secret. Ça commence en 1745, quand un Français de Varsovie qui s'appelle Duperron de Castéra arrive à Versailles, poussé par le parti pro-français, les nobles polonais, qui proposent au roi de mettre sur le trône le prince de Conti. Alors, le prince de Conti, c'est un cousin du roi, Louis-François de Conti, c'est un féodal, épineux, grand chasseur, grand collectionneur. Il se vantera d'avoir 350 maîtresses et 1100 tableaux de maîtres. Je vois pas le rapport. Mettant dans la même phrase, les tableaux de maîtres et les maîtresses. Il est grand prieur de l'ordre de Malte, très indépendant, très ambitieux. Louis XV s'en méfie, mais en même temps, le rencontre et lui parle très souvent et va, au fond, n'est pas mécontent de l'envoyer en Pologne. C'est toujours cette idée d'installer sur des trônes européens eh bien, des membres de la famille des Bourbons, puisque Louis XV considère qu'on ne peut plus agrandir le royaume de France une fois la Lorraine acquise. Et la Lorraine sera acquise en 1766. Voilà, donc il crée le secret du roi. Et parmi les espions, les agents secrets qui vont fournir justement la main-d'œuvre du secret du roi, il y a le chevalier d'Eon, ce fameux chevalier d'Eon notamment, qui est très connu, mais il y a eu aussi Louis de la Rosière, donc qui est un personnage authentique. Oui. Alors, ce chevalier d'Eon est un personnage assez extravagant. C'est un homme ou c'est une femme, déjà ? Alors, bon, c'est un homme, on le sait, mais on s'est posé la question, puisqu'il a vécu en grande partie dans un costume de femme. Même à la fin, Louis XVI l'obligera à porter un costume de femme, récupérera ses dossiers, puisque en 1774, le secret du roi sera liquidé. Donc, c'est un secret qui dure de 1746, à peu près, jusqu'à la mort de Louis XV en 1774. Avec des hauts et des bas, la dernière grande opération, c'est en effet celle de Carlet de la Rosière et de l'espionnage des côtes anglaises. Après, le secret tombera un peu en oubli et en désuétude. Alors, le chevalier Déon est un personnage étonnant. Petit avocat d'une famille de robes, grand escrimeur, qui s'en va comme secrétaire d'ambassade à Saint-Pétersbourg, rencontre la tsarine Élisabeth. Alors, déguisé en femme, il devient sa lectrice sous le nom de Lia de Beaumont. Il retourne à Saint-Pétersbourg. Il est nommé capitaine des dragons. Ensuite, il revient dans le secret en 1762. Il est à Londres. Il prépare en effet les documents pour la signature du traité de Paris, 1763. Et le duc de Nivernais, revenant en France, il va occuper pendant quelque temps l'intérim de l'ambassade. Et puis, il va à nouveau être rétrogradé avec l'arrivée du comte de Guerchy. Oui, c'est ce qu'on entend donc dans la fiction. Qui est un personnage très médiocre, et il y a des tensions très vives, évidemment, entre Déon, qui est un mythomane, un personnage un peu extravagant, bavard. On a vu, à cause de son caractère fantasque et son orgueil blessé, la guerre a bien failli reprendre entre la France et la Grande-Bretagne, parce que si les Anglais avaient découvert cette fameuse lettre signée de la main de Louis XV qui ordonne au chevalier Déon d'établir une carte des côtes anglaises, en vue d'un possible débarquement, ça aurait pu être un casus belli. Donc il a fallu promettre au chevalier Déon une pension de 12 000 livres pour pouvoir récupérer cette lettre. Oui, voilà. Donc c'était pas une mince affaire. Parce qu'il faisait du chantage et donc menaçait de divulguer cet ordre de mission pour le débarquement. Et alors tout ça se déroule aussi en Angleterre, où évidemment il y a une liberté de la presse, avec des libelles, des duels. Est-il un homme? Est-il une femme? Le chevalier Déon. Il y a des paris même qui sont lancés pour connaître son sexe. Eh bien, ce qu'on sait, c'est qu'à sa mort, il sera donc autopsié et évidemment, on découvrira que c'est un homme. Mais il sera, disons, enterré dans le Middlesex, ce qui est assez piquant. Il sera donc enterré en Angleterre. En Angleterre. Il finit sa vie assez misérablement, quand misérablement, même. Misérablement, oui, absolument. Alors, personnage de roman aussi, singulier, attachant, mais par un côté parfaitement irritant, et qui n'était pas fait pour cette diplomatie secrète qui évidemment requiert des talents de discrétion. De discrétion. Merci beaucoup Jean-Christian Petit-Fils. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une biographie de Louis XV publiée chez Perrin, à lire également celle de Louis XIII, Louis XIV et Louis XVI, signée aussi par vous. Et plus récemment, vous êtes l'auteur de La Bastille, mystère et secret d'une prison d'État chez Talendier. Autant n'emporte l'histoire est terminée pour ce soir. Une émission à réécouter, podcaster sur notre site franceinter.fr où j'attends aussi vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Vous pourrez par exemple écouter, si vous les avez manqués, 1942 l'opération Torch ou Fernand et Pablo Picasso ou encore Davis Bent quand Scarlett était noire. En juin 1940, l'armée française, la première armée du monde, disait-on, est écrasée par l'offensive éclair menée par Hitler. Ce sera notre sujet de la semaine prochaine. Le 17 juin 1940, Pétain signe l'armistice. Pourtant, cela fait des mois qu'un certain Charles de Gaulle met en garde le haut commandement et le gouvernement français contre leur stratégie défensive. Ce sera donc la semaine prochaine, 1940, de Gaulle, l'homme qui a dit non. Mais dans quelques minutes, juste après le flash, vous avez rendez-vous avec Noël Bréham pour État d'esprit. Très bonne soirée à tous.